Chapitre 28e. Se débarrasser de la gêneuse. Le cousin de Richard Dacroux, Gauthier Salvegnac, fut convoqué une semaine après la seconde visite de sa tante. Bellegarde se chargea de l'audition. Lui faire dire qu'il avait bien prêté une voiture à son cousin, voiture dont il s'était empressé d'oublier la marque, ne fut pas une mince affaire. Heureusement, au bout de 2 heures d'efforts, il finit par admettre, du bout des lèvres, qu'il avait bien garé un véhicule à proximité des Tournelles le fameux soir de l'agression de son cousin. Il avait laissé les clés dans la boîte à gants et était ensuite rentré par les transports en commun. Il avait même galéré, car il y avait eu un incident de circulation sur l'une des lignes qu'il devait emprunter. Il avait récupéré la voiture le lendemain dans les mêmes conditions. Quand Bellegarde lui demanda si un détail l'avait frappé, rien ne vint sur le moment. Devant l'insistance de son interlocuteur, Gauthier Salvegnac se souvint alors qu'effectivement, il y avait quelque chose, la position de conduite. Il avait dû à nouveau régler le siège. La personne qui avait ramené la voiture avait des jambes plus longues. Or, Richard et lui avaient rigoureusement la même taille. Ce qui impliquait forcément un changement de conducteur. Il n'y avait pas pensé jusqu'ici, car il ne voyait pas en quoi cela pouvait être important. Bellegarde, malgré son exaspération croissante, choisit de ne pas s'apesantir. On verrait plus tard. Il sentait que le gamin, terrifié, commençait à s'ouvrir. Son intuition lui disait qu'il y avait encore certainement des choses à récolter. Aussi choisit-il volontairement de rester sur le près de la voiture. Mine de rien, il interrogea Gauthier sur la conduite de son cousin. Une fois de plus, il put remercier son flair, car il apprit un second élément. Quand il avait récupéré la voiture, Gauthier l'avait inspectée de fond en comble. Oh, surprise, celle-ci n'avait reçu aucun choc. Sur le moment, il avait pensé que son cousin avait fait de sacrés progrès, lui qui avait secrètement baptisé Richard Dacroux le roi de l'éraflure. Seul un peu de boue noirâtre recouvrait le bas de caisse, boue qu'il s'était empressé de faire disparaître. Ensuite, il avait tout remis en place, ni vu ni connu, et son père n'avait jamais rien su. Celui-ci ne l'aurait pas engueulé. Gauthier avait parfaitement le droit d'emprunter une voiture sans en référer à quiconque. En revanche, s'il avait appris que c'était pour Richard, les choses se seraient sans doute passées différemment. Bellegarde lui demanda sans grand espoir s'il ne se souvenait vraiment pas de la marque, mais Gauthier Salvegnac lui affirma, avec une vraie sincérité cette fois, que l'emprunt était trop lointain. Il le laissa donc rentrer chez lui. De toute façon, une fois la voiture lavée, elle ne leur était plus d'aucune utilité. Toutefois, il aurait bien aimé savoir si quelque chose avait été laissé à l'intérieur. Bellegarde fit un point rapide avec du tilleul un peu plus tard. « Qu'est-ce qu'on fait, chef ?»« Je dois réfléchir, Bellegarde. Il nous faudra sans doute retourner aux Tournelles, mais pas tout de suite, même si Madrier s'est montré assez coopératif jusqu'à présent. » Seulement, il me faudrait quelque chose de plus solide qu'une vague histoire de vérification de permis de conduire. Je doute que Viard me laisse y retourner avec ce seul motif en poche. Il y a tout de même quelque chose qui me dépasse, chef. Pourquoi prend-on tant de gants avec cette institution minable, si encore c'était un établissement coté? Je le sais bien, Bellegarde. Croyez bien que je comprends votre révolte. D'autant que nous savons, vous et moi, que tout part probablement de là. Seulement, pour l'instant, il faut bien dire que nous n'avons toujours pas de preuves tangibles, et qu'une fouille en règle des Tournelles est, du moins pour l'instant, hors de question. Cependant, retenez bien ce que je vous dis, Bellegarde, et gardez-le bien au chaud dans un coin de votre cervelle, pour l'instant. Bellegarde se mit soudain à sourire. Vous pensez qu'on les coincera? Oui, Bellegarde. Le tout est de savoir se montrer patient. J'ai bon espoir. La pression monte, comprenez-vous? Cela finira bien par craquer quelque part. Pourquoi pensez-vous cela? Réfléchissez un instant, Bellegarde. Il y a un atout formidable à ne pas négliger dans cette enquête. Un atout, je ne vois pas. Pourtant si. Il est sous nos yeux, et nous l'avons pratiquement depuis le début. Un club, Bellegarde, un club. Qui dit club dit forcément jalousie, inimitié. Calife à la place du calife. Exactement. vous pensez que c'est là que... Exactement, c'est le point faible. N'oubliez pas qu'il y a eu meurtre, et que, contrairement à ce qu'ils pensent, ils ne sont que des enfants surprotégés de surcroît. On ne leur a pas donné de limites, et c'est peut-être la raison de leur passage à l'acte. Prouver sa valeur autrement qu'à travers un chèque. C'est curieux, chef, parce que ça pourrait être le cas de l'affaire Pradier. Tout à fait. Là aussi, une sorte de club très fermé. N'oubliez pas ce qui nous a été dit dès le départ. Mis sur un piédestal, pas de lutte à mener. Tout était proposé. Plus j'y réfléchis, Bellegarde, plus je pense qu'il ne serait pas si étonnant qu'il soit passé à l'acte. Vous voulez dire qu'ils auraient pris ça comme un test? C'est proprement monstrueux. Surtout si l'on considère leur âge au moment des faits. C'est surtout l'élément dont il ne faut pas tenir compte, si nous voulons y voir clair. Bellegarde considéra longuement du tilleul et blêmit. Dans ce cas, chef, on ne parle plus d'accident. On monte de catégorie. Je sais combien c'est traumatisant pour vous, Bellegarde. Mais il nous faut bien regarder cette affaire sous cet angle. Bellegarde fut soudain submergé par l'émotion et se laissa tomber sur une chaise. C'est d'une voix blanche qu'il poursuivit. « Dans ce cas, quel scénario imaginez-vous ? Eh bien, la chose n'est pas si difficile à reconstituer. Deux éléments nous y aident. Pour ma part, je ne vois pas lesquels, chef. Si, Bellegarde, essayez de mettre un peu de côté votre émotion bien légitime et examinons froidement les faits, voulez-vous ? Enfin, chef, ce n'était que des gosses. Et je ne peux imaginer... Calmez-vous, Bellegarde, même si je sais que cela vous fait mal au bide, et écoutez-moi plutôt. Je n'ai aucun mal à m'imaginer les circonstances de l'assassinat. C'est Loïc qui a dû pousser la fille. Vous plaisantez. Si seulement. En l'occurrence, nous avons une preuve qui vient étayer cette thèse. N'oubliez pas la seconde lettre de Mathilde. Sandrine a l'ascendant sur son frère, depuis toujours. C'est sans doute elle qui lui a ordonné de le faire. L'autre, rendu furieux par la séance d'écriture, n'a pas dû être si difficile à convaincre. Ils n'ont aucune notion du bien ou du mal. La seule chose dont ils sont convaincus, c'est qu'ils doivent le faire. Ils ne se préoccupent pas un instant de savoir si Mathilde va manquer à quelqu'un. Ils ne vont pas jusque-là. Eux œuvrent dans l'instant. Comme l'a si bien dit Caroline Denis Girard, ils doivent se débarrasser de la gêneuse. Elle est casse-pieds. Il transforme juste la chose en challenge, en épreuve initiatique. Bellegarde considéra alors Dutilleul avec une répulsion non feinte, mais Dutilleul n'en poursuivit pas moins. « Je sais parfaitement ce que vous pensez, Bellegarde. Je ne serais pas loin de penser comme vous s'il n'y avait pas le cahier. Mais laissons-le de côté pour l'instant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre émotion vous empêche de raisonner correctement. Ce n'est pas un reproche, loin de là. » Je sais qu'il vous est pratiquement impossible d'emprunter un chemin si tortueux de vous-même. Vous n'arrivez tout simplement pas à concevoir la chose. Si cela peut vous rassurer, vous n'êtes pas le seul. Vous réagissez comme la majorité des gens, et c'est rassurant. En revanche, je suis sûr que Morin est arrivé à cette même conclusion que moi. Seulement, il lui était impossible de dire les choses si clairement. Alors, de là à les écrire, il était terrifié. Il voulait croire à toute force qu'il se trompait. Cela allait trop à l'encontre de sa moralité. Pour lui, c'était tout simplement impensable. C'est pour cela que même jusqu'à la toute fin, il n'a pas voulu me parler. Il n'a pas été le seul. N'oubliez pas le pédopsychiatre qui a détruit ses notes. Le regard de Bellegarde commençait à s'éclaircir et bientôt, Dutilleul le savait, il se sentirait tout penaud. Il passerait probablement la soirée suivante à se faire de lourds reproches, alors même que c'était parfaitement inutile, mais Bellegarde était ainsi. Lentement, l'idée semblait faire son chemin dans la tête de son adjoint, et c'est d'un ton beaucoup plus posé qu'il put reprendre le fil de la conversation. Cela les amenait à quoi ? Certainement à les conforter dans leur supériorité. Sentiment renforcé par le fait que leur jeune âge leur a évité d'être pris. À l'époque, personne n'a osé imaginer ne serait-ce qu'un instant qu'ils pouvaient y être pour quelque chose. Deux faits ont joué en leur faveur. Premièrement, ils n'ont pas été pris sur le fait. La jeune fille était morte bien avant le retour de la mère. Deuxièmement, il n'y avait pas d'antécédents. Rien qui puisse annoncer un drame pareil. Dès lors, pourquoi les soupçonner? Cela n'allait pas dans la logique des choses. Puis, c'est toujours insupportable de penser que des enfants puissent aussi être des assassins. C'est une de ces équations qu'il est quasiment impossible de poser sereinement. L'esprit s'y refuse. D'un autre côté, dit Dutilleul soudain songeur, il est parfaitement reconnu que les enfants savent se montrer très cruels. De là à imaginer le pire. Non, la chose est par trop horrible. Heureusement, ils n'ont pas récidivé. Apparemment pas, mais il faut nous en assurer, Bellegarde. C'est pour cela que je compte tant sur Girardin. Je suis persuadé que malgré les années écoulées, ils n'ont rien perdu de leur dangerosité. Ils doivent pourtant avoir dépassé la trentaine maintenant, du moins si mes souvenirs sont bons. Ils sont exacts. Si je me souviens bien, Loïc est de mars 68 et Sandrine de février 69. N'ont-ils pas pu changer? Ils ont peut-être fondé leur propre famille. Eux, je ne le crois pas, surtout s'ils sont demeurés ensemble. N'oubliez pas que pour toute personne ayant un regard complètement extérieur à l'affaire, ils n'étaient que deux petites choses frappées par un terrible événement. Si Morand n'avait pas nourri de soupçons, on n'aurait jamais eu vent de cette affaire. Pour ce que cela change, dit Bellegarde amer. De toute façon, il y a prescription. Là, nous sommes bien d'accord. Que cela ne nous empêche pas de faire toute la lumière. Pourquoi? Que recherchez-vous? Un mode de fonctionnement. J'ai le sentiment très fort que si je parviens à élucider cette affaire, je parviendrai à dénouer celle des Tournelles. Peut-être. Cependant, dans le cas de Mathilde Pradier, il ne peut y avoir de condamnation. J'en suis parfaitement conscient et même à l'époque, la chose aurait été très difficile. Pourquoi ? Dit Bellegarde, visiblement surpris. Cela tient pour une bonne part à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'avait, du moins à l'époque, aucune notion du bien et du mal. C'est ce qu'a dû comprendre d'entrée le pédopsychiatre qui les a vus. C'est donc pour cela qu'il a détruit ses notes. Je le pense. L'homme était âgé et fatigué. La question de leur devenir a dû rapidement se poser. Comment traiter un cas pareil? Il a préféré leur laisser une chance. Exactement. C'était sacrément risqué. Je sais, mais pour l'instant, en tout cas, les événements semblent lui donner raison. Loïc et Sandrine Plantier n'ont jamais refait les gros titres.